France Inter, le 6-9 du week-end, Éric Delvaux. Les aventuriers, l'actualité des sciences avec vous, Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Éric. Des chercheurs pensent avoir compris d'où vient le sourire de la Joconde. Eh bien, figurez-vous que Mona Lisa était peut-être malade. Deux professeurs de médecine américains ont examiné la Joconde sous un angle médical. Léonard de Vinci avait peint tant de détails que ces détectives du 21e siècle auraient découvert les signes d'une maladie. La teinte de la peau, le visage légèrement gonflé, la chevelure clairsemée, la quasi-absence de sourcils, mais aussi des grosseurs près de son œil gauche ou au niveau de sa gorge, seraient les signes d'une hypothyroïdie. Cette pathologie peut induire un état dépressif, ce qui expliquerait son sourire. Les chercheurs pensent même que Mona Lisa a eu cette hypothyroïdie après un accouchement. Mais l'absence de sourcils peut être due à une épilation, le teint jaune à un vieillissement naturel du vernis du tableau. La vérité est peut-être autre part, selon l'avis même des auteurs de l'étude. Mona Lisa, you're so like the lady with the mystic. Tout aussi mystérieuse que le sourire de la Joconde, voici des traces trouvées au fond des océans. Des biologistes anglais ont trouvé à 4000 mètres de profondeur des marques sur le plancher océanique. Il y a 3 ans, des chercheurs anglais qui travaillaient sur une zone de l'océan Pacifique ont trouvé à 4000 mètres de profondeur une série de traces longues de plus de 2 mètres. Des traces similaires ont depuis été observées ailleurs. Certains scientifiques pensent qu'elles sont faites par des baleines. Il s'agirait alors d'un record de profondeur pour un mammifère marin. L'actuel record est de 3000 mètres. Il est détenu par 2 baleines à bec observées en 2014. Certaines baleines aiment se frotter sur le plancher océanique pour retirer leur peau morte. Les chercheurs vont maintenant échantillonner les sédiments pour voir si des cellules de peau de baleine y sont présentes. La réponse, dans quelques mois. Avec le son des baleines en prime, retour sur Terre, Fabienne, avec les daltoniens. 4% des Français sont daltoniens. Eh bien, ces personnes pourraient bientôt bénéficier de lunettes spéciales. Des lunettes qui sont à l'état de prototype dans un laboratoire néo-zélandais. Ce sont surtout les hommes qui sont touchés par cette anomalie. Le chercheur néo-zélandais Jonathan Sutton espère pouvoir porter un jour les lunettes qu'il est en train de mettre au point avec son équipe pour savoir, entre autres, dit-il, si son poulet est assez cuit. Vous l'avez compris, ce jeune chercheur est daltonien comme 8% des hommes. Certains daltoniens ne voient aucune couleur alors que d'autres confondent le rouge et le vert ou encore le bleu et le jaune. Les lunettes inventées par Jonathan Sutton sont équipées de petites caméras, un logiciel identifie ensuite les parties du décor dont les couleurs ne sont pas visibles par l'utilisateur et lui propose une version corrigée qu'il pourra voir. Les recherches se poursuivent. Pour le moment, le poulet, quand il est cuit, peut apparaître bleu ou vert. Tous les écologistes sont daltoniens. Quand ils voient pas vert, ils voient rouge. Ils voient rouge, effectivement. Après le poulet, voici la tortue, Fabienne. Contrairement à ce que dit la fable, la tortue serait finalement plus rapide que le lièvre. Oui, ce n'est pas une fable, ça. Sur une longue course, la tortue triompherait contre le lièvre. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Cette étude originale vient d'être publiée sur une courte distance. Le lièvre l'emporte évidemment sur la tortue. Mais un chercheur américain a pris en compte la vitesse de plusieurs animaux et les plus rapides sont les plus lents si on fait la moyenne de leurs déplacements pendant toute leur vie. Par exemple, les animaux de pâturage bougent tout le temps, mais un prédateur comme le loup passe la majeure partie de sa vie au repos ou immobile, guettant sa proie du coin de l'œil. Ce chercheur, qui est ingénieur en mécanique, pense, avec ses travaux, être en mesure de prédire l'évolution de la conception des futurs avions. Il a remarqué que plus la taille d'un avion augmente, plus sa vitesse augmente. Sa théorie fonctionne pour tous les aéronefs, sauf pour l'avion de chasse, qui est en quelque sorte le lièvre de l'aéronautique. Il y avait une chanson, un avion à réaction, pirouette, cacahuète. Toujours plus vite. Merci Fabienne Chauvière. C'était les aventuriers.